dans une grange trop étroite, dans un raccoin trop poussiéreux, était un potier aux mains moites, barbe blanche et regard vitreux. Aux passants qui, comme vous le savez, ne font souvent rien que passer. Aux bien-pensants qui, vous le savez, ne pensent pas à penser assez. À ces passants, comme je disais, le vieux potier maître penseur aimait raconter point levé des histoires d'âme, d'homme et de cœur. Allons-nous-en, c'est un taré, disaient les passants effrayés. J'ai vu le potier qu'à moitié, derrière une rangée de curieux. À moitié, mais c'était assez, laissez-le raconter un peu. De poudre de perlimpinpin, de mer, de bateau, de falaise, et d'un bon kilo de terre glaise. Pour faire un grand saladier vert, 3 grammes de déchets nucléaires. Pour faire une soucoupe qui vole pas, suffit de la bien poser à plat. Pour faire un grand plat gâteau, faut bien savoir faire du vélo. Et faut surtout connaître par cœur les équations de Schrödinger. Pour faire une bûche avec verseur, il faut que tu me donnes la main de ta sœur. Un cendrier, un narguilé, il est déjà tout intégré. Une boîte à savon japonaise, ça s'accroche avec une punaise. Avant de la plonger en enfer, si possible nu comme un verre, réalisé en entonnoir, en le croisant avec une passoire, on enfile un manche en ivoire, et il accouche d'un tupperoir. Pour une grande maison, garçon, il faut déjà beaucoup de pognon, et je voudrais que ton destin soit fait de glaise au creux des mains. Pour faire un vase, dit le sculpteur, il faut surtout chercher des fleurs. Peu importe le récipient, si on n'a rien à mettre dedans,